se complique, des innocents essuient les bavures de ces conflits. L'humain est victime d'une déplorable calamité. Ma vie ne tient pas trop rapé à la popularité. Un fléau est un fléau, on ne peut l'arrêter. Bienvenue dans la cour des grands, ici y a pas de regret. J'pense plus pareil, c'est l'évolution de l'être. Ce qui sort dans la paresse, c'est la révolution des lettres. Yeah. Un coup par si vite, c'est un accord du genre. Un trou pour si vite. Si mon pote est dans mon dos, t'envoies des messages. Sac à dos, tu devrais retourner faire ton dressage. Parfois rancunier, je passe à quoi bien haut, tête en bas, à la branche d'un prunier. Rythme de vie, trop souvent régressif, agressif, encaissant, sans devenir dépressif. On vit la rue, ni balle, ni palace. Dans le crew à trois lettres, t'aimes pas, nique ta race. Laisse place, reste cool, teste pas, nous reste place. On se croisera quelque part, quelques balles. Pour récupérer notre part, quelques plaques. Faire opérer notre art, mais c'est les gens du ghetto, le genre qui sort les armes dans ce resserre l'étau, ouais. Version la rue, j'ai toujours été de façon, garçon, y'a trop de ghetto, man en contrefaçon, garçon. Les bonhommes, dis-le aux mômes, personne n'était sur homme, face au canon du chrome, rhum, vodka, ça renerve les regards, à croire que partout quelqu'un veut mettre une roca. Y'a pas d'architecte, pourtant on fait tous des plans, on se dirait que tu sens rebeu, black, noage, blanc, grand. C'est les lieux du crime, grand banditisme dans ma rue, trop de victimes, j'rends juste les coups que la France a donné. Et comme dit TCH, je vais pas la pardonner, j'prends. Y'en a marre de demander, pas les dire qu'on les encule, là qui veut nous commander. Mes frères, pas trop ballon pour rembourser les dettes. Nous on n'a pas le bras long, soit pour attraper les pètes. Mais on vit la rue, ni balle, ni palace. Dans le crew à trois lettres, t'aimes pas, nique ta race. Laisse place, reste cool, teste pas, nous on reste classe. On se croisera quelque part, quelques balles. Pour récupérer notre part, quelques plaques. Pour faire opérer notre art, notre art. Mais c'est les gens du ghetto. Le genre qui sort les armes dans ce resserre l'étau. Appelle-moi Pai, Pai, soldat du ghetto. Comme d'hab, j'fous la bagaille. Fais tourner le bédou, ici ça baisse la flicaille. Ah, coup de guéron, j'oublie un petit détail. Un gros doigt pour Sarko. J'représente des PI, tous mes frères au ballon. C'est le rap, ça paye rap. Donc arrête de béflant, les jours de bonheur se font rares. Donc jamais on se détend, faut mieux poser des textes de presser des détentes. Pour nos frères et sœurs, on tentera le tout pour le tout. Toujours en retard, jamais à l'heure au rendez-vous. Charmé par la caillasse, les caillas marchent armés. Embrasser des liens, à n'importe quel moment de la journée. Tourner, tourner, tourner la roue. Moi je compte tout retourner avant de stopper ma route. Bled et le con, des gens d'urbaine, c'est le coup. En Indé, on inonde et agrandit le trou. Ouais. On vit la rue, ni balle, ni palace. Dans le crew à trois lettres, t'aimes pas, nique ta race. Laisse place, reste cool, teste pas, nous on reste classe. On se croisera quelque part, quelques balles. Pour récupérer notre part, quelques plaques. Pour faire opérer notre art, mais c'est les gens du ghetto. Le genre qui sort les armes dans ce resserre l'étau, ouais.